Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes sur Radio Dio 89.5, l'émission mensuelle du GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanoise. Et nous sommes donc le jeudi 20 octobre 2022. Aujourd'hui, comme vous l'a dit Lionel, nous allons recevoir et discuter avec les organisatrices, moins au niveau du département de la Loire, de ce que l'on appelle la Biennale Trace, qui a déjà été plusieurs fois accueillie sur cette antenne. Alors, je vais d'abord, mesdames, vous demander de vous présenter. Donc, j'ai à côté de moi Leila Bencharif et Habiba Zerarga. Donc, Habiba, peut-être vous en premier pour commencer par ordre alphabétique. Ça marche. Alors, moi, je suis salariée du réseau Trace depuis 16 mois, je crois, si mes calculs sont bons. Et je suis assistante à la coordination et chargée de mission avec mon collègue. Et voilà, je ne sais plus quoi dire. Qu'est-ce que vous avez comme formation comme... Alors, c'est particulier. J'ai une formation aux Beaux-Arts, donc j'ai une formation d'artiste plasticienne. Mais pendant mon cursus aux Beaux-Arts, j'ai beaucoup travaillé sur... à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait comme ça, mais on va dire les questions intersectionnelles. Mm-hmm. Donc le féminisme, la race, entre guillemets, et la classe. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur la guerre d'Algérie, déjà, à l'époque. Bien. Alors, Leila Bencharif... On te connaît mieux, tu me permettras de te tutoyer, hein, oui, puisque volontiers. Tu es stéphanoise, géographe, donc proche de mon propre champ d'études, l'histoire. On travaille souvent ensemble et docteur en géographie sociale. Alors, qu'est-ce qui t'a amené à l'histoire de l'immigration? Comment tu t'es investie dans la Biennale Trace dont tu es présidente? Oui, bonjour à toutes et à tous et grand merci pour cette invitation. Je remercie toujours... Radio Dio qui joue le jeu depuis des années et des années et qui nous accompagne. Donc merci à ces médias citoyens qui nous permettent de rendre compte de ce que nous pouvons faire sur les territoires. Donc oui, Jean-Michel, je te connais. On a beaucoup de questions de recherche, d'intérêt d'études qui nous sont communs. Voilà, moi j'ai travaillé il y a 20 ans, j'ai soutenu une thèse sur l'immigration maghrébine en situation coloniale et post-coloniale dans la Loire. Mon intérêt pour les questions liées à l'immigration et mon intérêt aussi pour les questions liées à l'histoire de la colonisation comme de la décolonisation repose finalement sur, un engagement personnel en tant que citoyenne, un engagement militant et politique, et puis aussi un engagement en tant que chercheur. La question de l'immigration, elle est prégnante, qu'elle se traduise dans le cadre d'actions qu'on peut mettre en place dans le champ associatif. J'aime bien dire qu'il n'y a pas de société sans migration, et que la migration, elle est au fondement de l'humanité. Il n'empêche que, même si nous savons tous et toutes cela, la question de l'immigration ou d'émigration contemporaine, eh bien, elle donne malheureusement souvent lieu à des jeux d'interprétation idéologique et politique et qui empêchent, me semble-t-il, un débat serein pour questionner in fine le rapport de notre société à l'altérité, et pour questionner aussi finalement le rapport d'un État, la capacité ou malheureusement parfois l'incapacité d'un État à parler sereinement et débattre sereinement de l'histoire, en l'occurrence ici l'histoire coloniale et décoloniale. Et voilà, ces constats m'ont toujours impliqué, soit en tant que chercheur dans un travail d'analyse, de réflexion sur le fait migratoire, hein, en lien plus spécifiquement avec le fait colonial, et puis au-delà du monde de la recherche ou de la recherche-action, un engagement important, pour moi important, dans le monde associatif, c'est-à-dire dans le cadre de la société civile, essayer d'accompagner, de développer des initiatives citoyennes sur ces questions migratoires, et cela loin des discours, des impostures qui fabriquent de la haine sur le dos de l'immigration ou des migrations. Alors, dans tes recherches, tu as travaillé sur la géographie sociale et urbaine. Et depuis l'industrialisation, on sait que l'immigration concerne surtout les régions urbaines. Dans le cadre de la biennale, je vais d'abord demander à Abiba de nous expliquer exactement ce qu'il faut entendre par Biennale Trace. Alors la Biennale Trace, c'est comme un festival qui a lieu un an sur deux. Et c'est l'occasion pour le réseau Trace le réseau Trace fonctionne comme un forum en fait, et ça rassemble, entre 300 et 400 acteurs. J'ai pas encore fait le tour, même si j'y travaille depuis un moment. Et du coup, la Biennale, c'est le moment de fédérer l'énergie de tous ces acteurs, d'avoir un temps fort, rassembler toutes ces énergies, toutes ces réflexions et toutes ces sensibilités. Pour avoir, cette année, c'est 150 événements dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le réseau rassemble à la fois des équipements culturels, des associations, des labos de recherche, des collectifs militants et des artistes. Voilà. Et du coup, l'idée, comme pour rejoindre ce que disait Léla, c'est d'apporter un peu de... une réflexion un peu plus subtile et un peu plus sensible sur les questions migratoires contemporaines et de ne pas le traiter à chaud comme on peut le voir traité au niveau médiatique avec tous les abus que ça peut engendrer. C'est quelque chose en ce moment. Exactement. Sortir de la polémique et multiplier les angles les approches, les angles de vue avec, vous avez parlé d'acteurs. Finalement, ces acteurs, vous venez de le dire, sont à la fois individuels, comme des artistes, institutionnels, voire universitaires. Et ça va nourrir donc la richesse de cette action. Est-ce qu'il y a un thème particulier cette année à cette biennale ? Alors, pour cette année, on avait défini peu d'axes. Au départ, et puis finalement, la question est tellement vaste qu'on doit avoir 9 axes sur la biennale, mais on va peut-être pas tous les aborder maintenant. J'invite tout le monde à consulter le site internet sur lequel l'agenda de la biennale est à jour. Les axes importants. Cette année, comme on est un soixantenaire de la fin de la guerre d'Algérie et de l'indépendance algérienne, ça c'est un axe fort. On a aussi les 30 ans de la revue Écart d'identité, qui est notre sœur. Enfin, Trace et Écart d'identité. Trace et Écart, c'est un anagramme. Oui. Et le réseau Trace porte cette revue. Les 30 ans de la revue. Ouais, c'est les 30 ans de la revue. Donc ça aussi, c'est un axe important. Après, on a aussi l'axe genre et migration. On a l'axe quartier populaire, quartier politique. On a un autre axe qui concerne la guerre et l'exil. Et est-ce que j'en oublie ? Et du coup, l'actualité vient avec la question ukrainienne. Oui, coup, guerre et exil, on voulait pas faire un axe Ukraine, mais on voulait justement prendre de la distance et questionner... ce que la guerre en Ukraine et ce que l'accueil des réfugiés ukrainiens, qui a été formidable, questionne par rapport à l'accueil d'autres pays, d'autres personnes qui viennent d'autres pays en guerre. Donc voilà, on a enfance et migration, on a migration et santé mentale, et je crois que j'ai rien oublié. Genre et migration. Oui, je l'ai dit. Interculturalité. Il y a pas la question d'anniversaire de la marche de l'égalité aussi. Ah oui. C'est 83, c'est 83, ça ? 83, ouais. On a aussi, l'exposition « Ceux qui marchent encore », qui va être présentée au Théâtre de Vénissieux, qui est un nouveau partenaire. Un des créateurs de cette exposition sera présent. Il s'appelle Tarek Kautari, c'est un militant des quartiers populaires important. Et il présentera l'exposition avant le spectacle de Margot Eskenazi et j'ai oublié son nom. Enfin, et sa camarade. Et Alice Carré. Alice Carré. qui a réalisé un spectacle sur 83 avec une démarche d'interview des acteurs et actrices de la marche. Et elle avait fait un peu elle avait utilisé le même processus pour faire Et le cœur fume encore, une pièce sur la mémoire de la guerre d'Algérie. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres spectacles? Celui-ci, vous venez de le détailler un petit peu. Il y a d'autres spectacles qui sont prévus? Alors, du d'après coup, ce que j'ai pu voir dans votre programme. Il y a avec la CIMAD à Saint-Étienne, on va faire, ils vont faire venir un spectacle qui s'appelle On est trop nombreux sur ce putain de bateau. Oui. En termes de spectacle, dans mon classement des événements, c'est pas par spectacle ou projection, c'est plutôt par territoire. Alors je m'excuse si d'accord. Je bug un peu. Ah, ce spectacle, tu peux en dire quelques mots, Léla? Juste envie de dire que c'est effectivement, un rapport à traverser la Méditerranée, ouais, j'imagine. On a parlé de la marche 83 puisque 2023, eh ben, ce sera l'occasion d'aborder les 40 ans de la marche pour l'égalité et contre le racisme, et que le travail de la Compagnie Nova est très attendu. J'invite les auditeurs et les auditrices à taper Compagnie Nova 83. Vous verrez qu'il y a il y a de très nombreux articles, et cette pièce va tourner. Elle sera accueillie également à Saint-Étienne à la Comédie de Saint-Étienne au cours du premier trimestre 2023. Alors bien évidemment, la marche de 83, un anniversaire sur la marche de 83 va donner lieu à des débats en lien, enfin, sur les questions de politique publique, de lutte contre les discriminations, de lutte contre les inégalités. Trace, dans le cadre de sa biennale, elle va convoquer la question des quartiers populaires, forcément la question de la lutte contre les discriminations ethno-raciales notamment, et forcément on va rappeler que si la moitié de la population française vit dans les quartiers populaires, c'est aussi dans les quartiers populaires qu'arrivent la plupart des nouveaux migrants. Et cette question-là, il faut absolument qu'on puisse l'aborder pour sortir de cette idée qu'au sein de Trace, il y aurait une approche qui vise à traiter les migrations d'hier et une autre qui viserait à traiter les migrations d'aujourd'hui incarnées par la figure, par exemple, du jeune mineur isolé. Mmh. Et ce qui est très, très important pour nous, c'est véritablement d'avoir un propos qui pose la question migratoire d'hier et d'aujourd'hui dans une réflexion qui permette de replacer la question de la centrale du rôle de la puissance publique, c'est-à-dire l'État, les collectivités territoriales, dans leur capacité ou incapacité à non pas gérer, mais accueillir et prendre en charge ceux qui arrivent. Voilà. Alors, on va aussi, forcément, quand on aborde, pour revenir à 83, la marche 83, eh bien, il y aura toute une réflexion aussi sur les engagements, les luttes sociales et politiques portées par les héritiers de l'immigration, qu'elles soient coloniales ou autres. Mais la question des héritages des immigrations, elle est au fondement de ce qui a fabriqué Trace il y a 20 ans. Habiba a cité une série de thématiques clés qu'on retrouve finalement d'une année, d'une biennale à l'autre, la question de l'habitat, la question du travail, la question de l'accueil, de l'hospitalité, qu'elle soit prise en charge par des initiatives citoyennes ou par la puissance publique, la question du rapport de genre, migration, l'enfance, etc. Mais derrière tout cela, à travers toutes ces thématiques, il y a un fil conducteur qu'on a tenté d'imposer avec force dans le temps de cette biennale 2022 et qu'on a rappelé dans notre petit éditorial qui figure sur la plaquette, c'est la question de comment on fait acte de résistance, comment on fait œuvre de résistance. Exactement. Dans le moment actuel où, alors désolé, j'écoutais les infos ce matin, mais je me suis réveillée avec l'idée avec cette idée insupportable et incroyable de francocide. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de proposer, alors j'insiste, du débat public. Toutes nos rencontres sont publiques. Et un spectacle de théâtre donnera lieu à du débat public. Un spectacle de musique donnera lieu à du débat public. Des rencontres dans le cadre de conférences, etc., des expositions vont donner lieu à des débats publics. Et on est attaché à la question du débat public pour qu'on puisse, et comme je le disais tout précédemment, aborder sereinement, avec, en échangeant, en étant respectueux de la diversité des points de vue de chacun, mais en prenant le temps d'aborder cette question du rapport à l'altérité. Et vraiment, cette question de faire œuvre de résistance, elle est, je dirais, le fil conducteur de cette Biennale 2022. Après les horreurs que nous avons pu entendre au cours de la dernière campagne électorale, on avait, en tant qu'acteur de la société civile, nous devions nous positionner. Ceci dit, pour finir juste le petit tour, alors pardon, je n'ai pas la plaquette sous les yeux, mais 150 propositions, c'est important, j'aimerais dire deux choses importantes. La première, c'est que nous sommes un réseau. Nous avons choisi la complexité. Travailler, nous sommes une association qui existe depuis 20 ans, mais officiellement créée en 2015, mais depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis la première mise en place de ce que l'on appelait en 2000 le Forum Régional des Mémoires d'Immigrés, où l'on questionnait déjà toutes ces actualités migratoires et la question du rapport à l'histoire et aux mémoires des immigrations. Depuis quasiment 20 ans, la diversité des actions que l'on met en place, d'abord, elle mobilise beaucoup les artistes, et ça nous fait grandement du bien de saisir le regard des artistes pour aborder des questions aussi sensibles, des questions sociales aussi vives. Et puis, au fil des années, puisque la Biennale 2022 peut avoir des ressemblances avec le premier Forum Régional des Mémoires d'Immigrés en 2000, mais heureusement qu'il y a des évolutions notables qui tiennent à la fonction du réseau. Aujourd'hui, notre réseau, il est vaste sur une région extrêmement vaste. On n'est plus la région Rhône-Alpes, on est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et on a à cœur de voir, de développer les actions qui se développent en milieu urbain, en milieu périurbain, mais aussi en milieu rural. Et c'est super important pour nous d'insister sur notre implication et nos engagements grâce aux membres du réseau sur le territoire rural. Ça, c'est extrêmement important de le dire. On fait une petite pause musicale dans ce programme. Eh bien, allez, on a parlé des artistes avec Léla. Eh bien, on va écouter Rachita et Carte de Séjour avec son fameux Douce France de l'époque. Douce France. Des souvenirs familiers qui reviennent à ma mémoire. Des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je leur préfère mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route et ma rivière, ma prairie et ma maison. Douce France, cher pays de mon enfance, percé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Bien sûr, 89.5 Radio Dio, vous écoutez l'émission mensuelle du Grémos et actuellement nous sommes en train de présenter avec leurs deux organisatrices principales les grands traits, les grandes lignes de la Biennale Trace. Donc Habiba, tu as dit qu'il y avait aussi une dimension territoriale. Alors, en insistant peut-être un petit peu plus sur Saint-Étienne, mais quand même montrer que c'est une action qui se déroule à l'échelle de comme la vient région. De le dire Léla, à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Tout à fait. J'ai bien insisté sur Auvergne-Rhône-Alpes. Oui. Bah déjà, moi, je profite du morceau de Rachid Taha qu'on vient d'écouter, enfin de carte de séjour, pour annoncer que samedi 22 octobre à 20h, donc samedi prochain, il y aura la lecture musicale La Brûlure de Brigitte Giraud avec Christophe Langlade. Et ce sera suivi d'une table ronde sur l'apport des migrations à la musique en France. Mmh. Voilà, juste petit focus. Et il dimanche... y a beaucoup de choses à dire. Hein. Oui, dimanche 23 à 10h, il y a un rendez-vous au musée Chapuis à Saint-Étienne pour une balade sur les traces du passé colonial stéphanois. Donc c'est pas anodin que ce soit devant le musée Chapuis. On rappelle où est le musée Chapuis ? Je ne sais plus. C'est dans le quartier du Technopole. Oui, si c'est le Technopole bien, c'est et puis c'est le Zénith. C'est le café, le café. C'est ça, où se réunissaient les immigrés qui travaillaient dans les, ouais, les aciéries. C'est ça. Et puis, du coup, ce que je voudrais dire par rapport au territoire, c'est que depuis plusieurs années, la Biennale Trace tombe en même temps que le festival Migrants Scène, qui est le festival de la CIMAD. Cette année, il aura lieu du 12 novembre au 4 décembre dans toute la France. Hein, mais du coup, nous, on travaille plus particulièrement, enfin, à Saint-Étienne, c'est un partenaire très, très important, la CIMAD, sur lequel on peut vraiment s'appuyer. D'ailleurs, j'en profite pour les saluer et les remercier. Et du coup, dans la Drôme aussi, le festival Migrants Scène, dans le cadre de la Biennale, il va y avoir des actions sur... à Valence, il va y avoir la projection du film sur les traces de Frantz Fanon, avec son réalisateur Mehdi Lalaoui qui sera invité. Dans le cadre de Migrants Scène aussi, à Valence, au centre du patrimoine arménien, ils vont repasser le film Femmes de Méninges qu'on avait passé l'année dernière pendant le festival Migrants Scène. Qu'est-ce que je dis ? Images migrantes, pardon, mais c'était aussi pendant Migrants Scène. Et ici, à Saint-Étienne, on a, dans le cadre de Migrants Scène et de la Biennale, on a une collaboration entre Singa, le labo créatif de Singa, la CIMAD, l'amicale du Crédroc et le Remue Méninges, avec donc il y aura, on est trop nombreux sur ce putain de bateau, mais Singa porte un projet qui s'appelle le labo créatif et qui accompagne des créatifs issus de l'immigration dans leur projet de création artistique. Et dans ce cadre-là, il va y avoir toute une valorisation des parcours et savoir-faire des créatifs et créatives accompagnées par le labo créatif de Singa. Et je tiens aussi à saluer Singa, qui est aussi un partenaire important au niveau local. Et pour pas être que stéphanois. Singa qui s'occupe de l'accueil des personnes migrantes, qui fait des cours de français, tout un accompagnement. Qui a une vitrine dans la rue de la ville. Exactement, exactement. Et du coup, pour pas être que stéphanois, je vais essayer d'être un peu transversale sur certains axes. Du coup, un axe important, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la mémoire de la guerre d'Algérie. Quand j'ai dit que j'étais chargée de projet, cette année, je suis en particulier chargée au sein du réseau Trace de coordonner toutes les actions autour de la mémoire de la guerre d'Algérie qui ont eu lieu en 2022, qui vont continuer d'avoir lieu et qui vont aussi avoir lieu en 2023, parce que en dehors de la Biennale, on travaille aussi. On va revenir plus en détail sur la question de la guerre d'Algérie. Ouais, mais du coup, je voulais parler de cette question qui est vraiment transversale dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, et aussi je voulais reparler du des 30 ans de la revue Écart d'identité, parce que c'est quand même pas rien, une revue qui tient le coup pendant 30 ans et qui fait le travail formidable qu'elle fait, c'est-à-dire que c'est pas une revue spécifiquement adressée aux universitaires, c'est vraiment une revue qui regroupe des artistes, des chercheurs, des militants de l'immigration, et c'est vraiment une très très belle revue qui fait appel aussi à chaque numéro à un nouvel artiste ou une nouvelle artiste. Et du coup, ce qui est important de dire, c'est que pour les 30 ans de la revue, ils sont partis sur un numéro spécial qui va prendre la forme d'un livre. Un livre pour lequel Cécile Oumani a été invitée. Et donc, elle s'est plongée dans les archives de Écart d'identité. Et elle a écrit comme un conte qui raconte l'histoire de la revue. C'est très, très beau. J'ai pas encore lu, mais j'ai hâte. Et c'est illustré. Il y a une illustratrice qui intervient aussi dans ce numéro spécial et une photographe. Et j'ai vraiment hâte de l'avoir entre les mains. Et du coup, dans le cadre de cet anniversaire, il va y avoir Patrick Chamoiseau qui va faire toute une tournée parce que Patrick Chamoiseau est le parrain de la revue. C'est un grand auteur créole qui a eu le prix Goncourt pour Texaco. Et c'est un grand penseur de la créolisation du monde, de l'Institut du Tout Monde. C'est un grand ami d'Edouard Glissant. Mmh. D'en parler, ça me met des frissons. Et du coup, il y aura plusieurs rencontres avec Patrick Chamoiseau. Et alors là, je ne vais pas vous détailler toute la tournée de Patrick Chamoiseau, ce serait trop long et fastidieux. Mais encore une fois, je vous invite à regarder le programme sur www.traces-migration.org. Et donc oui, ce que je voulais dire, c'est que les 18 et 19 novembre, il y a deux rendez-vous importants autour de la revue. Le 18 avec un salon des revues à Vénissieux, dans une médiathèque. Et le 19 dans une médiathèque à Vaux-en-Velin. Et c'est, enfin voilà, je tiens à le souligner parce que ça, apparemment, il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi les 30 ans d'Écart d'identité, c'était à Vaux-en-Velin et à Vénissieux. Voilà, avec l'anniversaire de la marche, c'est important aussi de ce qu'on fait et où on le fait. Mmh. Écart avec un S, dont tu as rappelé que c'était un anagramme de trace. Tout à fait. Alors, avant de parler de la guerre d'Algérie, on va peut-être consacrer quelques minutes à entendre la présentation d'une des temps forts de la Biennale, à savoir l'exposition que Catherine Gauthier a organisée et accrochée à la médiathèque de la Ricamari. Oui, et je vais profiter pour encore une fois remercier chaleureusement la médiathèque de la Ricamari, Catherine Herbert et Sylvain Damy, qui sont un nouveau partenaire aussi et qui vraiment sont formidables et nous permettent d'avoir un espace où on peut exposer, où on peut montrer des films. Et voilà, c'est un très beau partenariat, je les remercie chaleureusement. Et si je peux me permettre, seule ville, la Ricamari est seul partenaire en tant qu'équipement culturel municipal public à nous accueillir aussi chaleureusement. Il fallait le signaler. Merci à eux. On va écouter Catherine Gauthier, sociologue, double casquette, à la fois chercheuse, à la fois membre du Grémos. Vice-présidente. Et vice-présidente, qu'on salue d'ailleurs, qui est absente aujourd'hui, mais qui devait effectivement être avec nous. C'est autour d'un travail qu'elle mène déjà depuis plusieurs années, autour de la question des kebabs, la place des restaurants kebabs dans l'aménagement de la ville et les relations de sociabilité. Alors c'est un travail qui également s'étale un petit peu sur l'ensemble du territoire Auvergne-Rhône-Alpes. Une installation est en place, une installation sonore, une exposition photographique. C'est donc à la médiathèque Jules Verne de la Ricamari, place Raspail. L'expo est installée depuis le 4 octobre dernier, durant tout ce mois d'octobre jusqu'au 31 octobre précisément. Et nous avons enregistré, c'était fin septembre, une émission en direct de la médiathèque Jules Verne, en présence de Catherine Gauthier bien sûr, mais également du maire de la ville et d'autres habitants, habitantes et jeunes de la commune. Elle va nous parler de ce projet pluridisciplinaire de recherche-action qu'elle mène sur place ou à emporter en est le titre, aux côtés de la photographe Sandrine Binou et Dan Charles Dahan, qui est concepteur et réalisateur multimédia. On retrouve Catherine Gauthier. Alors, effectivement, en tant que sociologue, moi, je me suis d'abord intéressée beaucoup à la question de l'immigration dans mes études et puis ma thèse, etc. Et la question des migrations prise sous l'angle de l'espace. C'est-à-dire, déjà, j'avais pour idée, à l'époque, de travailler la question de l'immigration à travers la manière dont on prend place dans la ville, en travaillant sur la place du pont à Lyon. Et puis ensuite, pour ma thèse, j'ai travaillé sur essayer de comprendre quels étaient ce temps et cet espace particulier que les Marocains traversent pour rejoindre leur pays d'origine. Donc c'était sur la route, en fait, qui reliait l'Europe de l'Ouest, mais surtout la France, au Maroc. Et voilà. Et donc, très naturellement, en travaillant sur cette question, j'ai été amenée à m'intéresser à la question du commerce. Donc, bien sûr, sur la place du pont, mais aussi dans le cadre de ces circulations. C'était d'abord le commerce du transport, avec les agences d'autocars, et puis aussi tous ces commerces qui touchent de près ou de loin la question de ces navettes, à travers les achats qu'on fait avant de partir au pays pour ramener des marchandises à sa famille, mais aussi tous les endroits où on s'arrête lors du voyage pour se restaurer, boire un coup, etc. Et par ricochet, j'allais dire, c'est aussi toute l'activité économique et commerciale qui peut graviter autour des pôles de cet espace migratoire. Donc les places populaires, les quartiers populaires dans lesquels on habite de part et d'autre de ces circulations. Et donc, c'est après quelques détours de recherche autres au début de ma carrière, je me suis à nouveau intéressée à la question du commerce et, pour faire plus large, des espaces publics, en travaillant sur les cafés populaires à Saint-Étienne. Et ça avait été l'objet d'un premier film. Alors, en fait, j'en avais fait un précédemment sur la question des mémoires des mineurs maghrébins à Saint-Étienne. Bon. Et donc, pour rester sur cette question commerciale, la question des cafés, qui m'était présentée, justement, comme un lieu d'accueil et un lieu d'insertion, de compréhension, de guidage dans la ville pour des gens qui viennent de l'étranger. Alors, pour les gens qui viennent de la Haute-Loire, d'abord, dans un premier temps, dans l'histoire de Saint-Étienne, puis ensuite, les différentes vagues migratoires, les gens se présentaient dans les cafés dont ils avaient l'adresse sur un petit bout de papier en arrivant au pays. Et là, ils trouvaient des gens qui étaient de la même origine qu'eux, du même village, ou des gens qui parlaient la même langue et qui allaient leur indiquer où manger, où se loger, où trouver du travail. Et en faisant ce travail sur les cafés, le premier constat, c'était de se dire qu'on était en train de tourner une page et que beaucoup de cafés fermaient. C'était dû à la chute de l'activité industrielle en ville. Les activités industrielles se sont déplacées à Saint-Étienne du cœur de ville, enfin de l'intérieur de Saint-Étienne intramuros sur les extérieurs. Donc les cafés ont moins d'ouvriers à recevoir. Et puis voilà, les quartiers évoluent, changent, et puis les modes de vie changent beaucoup. La réglementation change aussi. Sur la consommation d'alcool, la consommation de tabac, etc. Donc plein de facteurs qui font que ces cafés ferment. Ça a été un film qui était un petit peu nostalgique parce qu'en même temps, en finissant le film, il y avait plein de cafés qui avaient effectivement fermé. Voilà. Et donc, en finissant ce film, je commençais une activité aux côtés d'un collectif d'architectes à Saint-Étienne qui travaillait, et qui travaille toujours d'ailleurs dans le quartier Saint-Roch. Bien connue pour la rue Antoine Durafour, dans laquelle qu'on appelle parfois la rue des kebabs. Donc ma première idée pour servir le projet, pour poser un diagnostic sur le quartier, éclairer la décision des élus et celle des architectes et paysagistes et urbanistes de l'équipe, c'était d'essayer de faire un constat, justement, un peu quantitatif, disons, sur ces kebabs. Et la première chose qu'on a remarqué, c'est qu'on en parlait beaucoup, mais que finalement, il n'y en avait pas tant que ça. Que beaucoup étaient fermés, qu'on ne savait pas trop s'ils étaient fermés ou ouverts. Et qu'en même temps, il y avait des petits commerces qui avaient aussi du mal à vivre. Donc, j'ai voulu m'intéresser, dans le cadre des recherches que je pouvais conduire en école d'architecture, donc d'abord à Saint-Étienne, puis aujourd'hui à Clermont, à travers cette question des kebabs, essayer de les mettre dans un contexte qui est celui de la question du petit commerce en centre-ville, dans les quartiers populaires du centre-ville. C'est un peu finalement mon lieu de travail de prédilection. Et donc, eh bien, ça a été le début de cette aventure où j'ai commencé à constituer une équipe autour de moi à l'école d'architecture avec de jeunes architectes que le thème pouvait intéresser ou des étudiants. Et avec Sandrine Binot, avec qui j'avais déjà travaillé sur les cafés pour le film, et qui est photographe, voilà, qui fait les photos pour moi et qui me sert un peu d'observatrice seconde, qui saisit un peu ce que je vois quand je vais sur le terrain. Donc elle m'accompagne, on va à la rencontre des lieux et des gens et elle fait des photos un peu sous ma, j'allais dire, direction. Elle ne serait pas contente si je disais ça parce que c'est son œil de photographe qui joue aussi, qui travaille beaucoup, mais ça rend compte de ce que j'observe. Et puis Dan Charles Dahan, qui m'accompagne aussi avec son enregistreur et qui saisit à la fois les ambiances sonores pour aller restituer et les propos qui me sont tenus dans le cadre de cette étude. Donc un ensemble de collectes audiovisuelles, quoi, finalement. Voilà, c'est ça. Et que j'essaye de mettre en forme avec les éclairages de la recherche. Mais en fait, les deux se nourrissent. Hein. C'est complètement des travaux qui se font en parallèle. Et alors, donc le territoire, peut-être. Et puis après, je me tairai un peu. Le territoire, c'est celui du quart nord-ouest, de la région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est-à-dire que ça va. On a d'abord travaillé pour le premier film qui s'appelle Rue des Kebabs sur les trois grandes villes ou grandes villes moyennes, on va dire, que sont Saint-Étienne, Clermont-Ferrand et Montluçon. Donc, on est sur trois départements. Avec des villes qui ont connu des histoires industrielles importantes, des vagues migratoires liées à cette histoire industrielle et une désindustrialisation. Et donc des enjeux de réaménagement urbain aussi. Et des enjeux de réaménagement urbain. Et puis, et des enjeux d'intégration des populations, etc. Et ensuite, le deuxième volet du travail porte sur des communes plus modestes qu'on dit en milieu rural, comme la ville d'Ambert, qui est une petite ville, et qui s'adosse à une ère culturelle très rurale, mais qui connaît aussi une vie industrielle, il ne faut pas l'oublier, donc cette question industrielle demeure. Et puis la ville de Boin, qui est dans la Loire, et qui elle aussi a connu une histoire industrielle, avec une histoire migratoire moindre qu'à Ambert, mais qui la connaît aujourd'hui, puisqu'elle a hébergé des réfugiés sur les dernières années. Et puis, on a aussi suivi des camions de kebab, parce que ça existe aussi, dans des petites villes, des petits villages de la région. Bien, sur Radio Audio, nous parlons en ce moment, dans le cadre de l'émission du Grémos de la Biennale Trace, avec Habiba et avec Léla. Alors, vous avez signalé tout à l'heure qu'un des grands thèmes de cette biennale, c'était évidemment le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Alors on va peut-être consacrer le temps qui nous reste à parler des différentes actions qui sont prévues dans ce cadre. Habiba, je te donne la parole en premier. Ouais. Alors peut-être juste avant d'attaquer ce gros morceau sur l'Algérie, je voulais quand même signaler qu'il y avait pas mal d'actions aussi autour de l'immigration portugaise, de l'immigration italienne, qu'il va y avoir plusieurs avant-premières du film « Interdit aux chiens et aux Italiens ». Tout est dans le titre, je crois, qui est un film d'animation et dont l'exposition est en ce moment au Centre du patrimoine arménien jusqu'en juin prochain ou mars, je ne sais plus, j'ai bugué, il y a tellement d'expos que je bug un peu sur les dates, je m'en excuse. C'est magnifique. C'est à Valence. C'est à Valence, au Centre du patrimoine arménien, et interdit aux chiens et aux Italiens. Ce soir, il y a une avant-première au cinéma Le Navire à Valence. Et sur les Italiens, il y a la sortie d'un très très beau livre qui s'appelle Les Charbonniers. Bon, je n'ai pas tout le titre, mais c'est un très beau livre sur les charbonniers italiens. Et il va y avoir une soirée consacrée à la présentation de ce livre à Sous. C'est un petit village drômois, quand on parlait de zone rurale. Et ça se passe à la Gasoline, à Sous. Et vraiment, je vous invite à y aller si vous pouvez, parce que ça va être très chouette. Sur l'immigration portugaise, on a la projection d'un film qui s'appelle « La photo déchirée » de José Vieira à la bibliothèque de la Part-Dieu. Il y a une autre action sur l'immigration portugaise, mais je ne l'ai plus en tête. Je voulais signaler qu'en ce moment même se déroule à Saint-Paul-Trois-Châteaux, pour rester dans les petites bourgades, un festival de... La Drôme. Voilà, dans la Drôme, un festival de cinéma documentaire sur les questions migratoires qui s'inscrit dans la Biennale Trace. Et sur à Roanne, il y a le collectif X, qui est une compagnie stéphanoise, qui a fait tout un travail portrait de ville et qui va donner lieu à une restitution le 5 novembre au centre jeunesse Pierre Bérégovoy. Château de Gouttelat, peut-être. Ah oui, Pour rester dans la Loire, il y a le festival Plus. Sur la question LGBTQI+, genre et migration, au château de Gouttelat. Et c'est le week-end. Alors, le week-end du 18-19 novembre, il est très, très chargé. Mais ça va être chouette. D'accord. Alors, l'Algérie. Allons-y. Le gros morceau. Oui, il reste 10 petites minutes. Donc, on va aller vite. Je crois qu'il y a trois temps qu'on pourrait signaler. Trois temps principaux. L'exposition des archives municipales, le colloque organisé par l'université, par Samir Hadj-Belkacem, et puis la prochaine émission du Grémos. Oui. On va commencer par les deux premières. Ouais, et pour parler des actions ligériennes. Ouais. Mais quand même, je tiens à signaler qu'il y a... Ça m'embête toujours qu'on soit que ligéro-ligérois. Oui. Je tiens à signaler un cycle cinématographique, parce qu'on a travaillé un peu dur dessus, donc j'ai quand même envie de le placer là, qui va avoir lieu à l'Opéra Underground. Et avec la première session, j'ai plus la date, mais je vous invite à regarder le programme, qui pose la question « Les Algériens peuvent-ils parler ?» et qui questionne la question du cinéma algérien qui est né avec l'indépendance, qui est sous la coupe du pouvoir, et comment de l'indépendance au Hirak, la parole est confisquée. Et du coup, il y aura Nabil Djedouani qui interviendra et qui va faire un petit mix dans les archives du cinéma algérien, Salima Tenfish, et un troisième intervenant dont j'ai oublié le nom. Et cette soirée sera modérée par Noria Haddadi. Voilà. Et puis, donc ça, c'est pour l'Algérie. Puis on va faire du Stéphano-Stéphanois maintenant. Donc oui, le colloque de l'Université Jean Monnet, c'est un colloque qui est supervisé par Samir Hadj-Belkacem, qui est docteur en sociologie et directeur du département de sociologie à Jean Monnet à Saint-Étienne. Et ce colloque se tiendra du 21 au 25 novembre et il regroupe plusieurs partenaires. Je ne vais pas tous les citer, ce serait trop fastidieux, mais en tout cas, il va y avoir une exposition de l'ONAC. L'Office national des anciens combattants. Oui, merci. C'est vrai que les acronymes, tout le monde ne sait pas ce que ça veut dire. Le 22, je tiens à signaler une table ronde avec Paul-Max Morin, qui est un jeune politiste qui est tout fraîchement thésard, qui a écrit un livre qui s'appelle « Les jeunes et la guerre d'Algérie », qui a donné lieu à un podcast qui s'appelle « Sauce algérienne » que je vous invite à écouter. Et du coup, lui, il questionne le fait qu'aujourd'hui, en France, il y a 39% des jeunes qui ont un lien de près ou de loin avec la guerre d'Algérie, quel que soit du côté où on se place. Je ne vais pas citer les quatre. Et du coup, ce sera une discussion, une présentation de sa thèse. Et une discussion avec deux créatrices, Sarah Hoffman, qui a créé un podcast intitulé « À nos grands-mères », et Laura Benayoun, qui est une photographe qui parle de l'immigration, des pieds noirs juifs qui ont dû partir d'Algérie, j'allais dire à cause de l'OAS. Avec un angle d'approche qui est celui de la transmission et de la jeunesse, de l'éducation et de la jeunesse. Donc ça, c'est extrêmement important à souligner que cette approche... Voilà. Et dans le cadre de ce colloque, il va y avoir aussi des projections en lien avec la cinémathèque de Tarentaise. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre ? Un état des lieux de la recherche. Alors sur les chercheurs, on n'est pas encore très sûr de qui va pouvoir venir, donc je vous invite à consulter le site. Et une rencontre littéraire avec Nejma Kassimi, qui a sorti un livre à la fin de l'année dernière qui s'appelle « Sensible ». Et qui est un livre vraiment magnifique. On a eu l'occasion de la faire venir au Théâtre de l'Élysée au mois de mars, où on l'a fait dialoguer avec Samir Hadjbelkacem. Et là, le dialogue sera entre Nejma Kassimi, donc autrice du livre Sensible aux éditions Cambourakis, et Louisa Yousfi, qui est autrice du livre Restez barbare, qui est un clin d'œil à Katab Yassine, sorti aux éditions de La Fabrique. Ça, c'est pour le colloque. Je pense que je ne vais pas détailler toutes les choses, mais... L'exposition des archives municipales. Oui, alors les archives municipales ont travaillé avec les archives départementales et le mémorial de la Loire pour réaliser l'exposition qui a été inaugurée jeudi dernier. Et du coup, c'est la guerre d'Algérie à Saint-Étienne et dans la Loire, et avec une mise en contexte, le contexte de la conquête, du colonialisme. À l'intérieur, il y a des documents originaux. Et aussi, ils ont fait un appel à témoignages et à déposer des objets et des archives. Ils en ont profité pour faire une collecte. Là-dessus, je tiens à vraiment saluer Caroline Costil, qui travaille aux archives municipales, qui a fait un travail formidable. Et du coup, le texte de l'exposition a été relu par Sylvie Thénault, qui est grande spécialiste historienne émérite du colonialisme, de la guerre d'Algérie, de la torture, etc., etc. Et voilà, donc c'est une assez belle expo. Moi, j'avoue que je ne l'ai que survolée, mais je vous invite à aller la voir, d'autant qu'elle a lieu jusqu'au mois de juin. Donc, il y a le temps. Et il va y avoir des visites guidées en direction des scolaires. Donc, s'il y a des enseignants qui nous écoutent, n'hésitez pas à téléphoner aux archives, à prendre rendez-vous, à envoyer vos élèves, les archivistes sont très très ouvertes à ça. Et on rappelle que les archives municipales, 164 cours Fauriel, toutes proches du rond-point, et on y rentre sans problème. Une grande partie de l'exposition est dans la cour qui entoure le bâtiment. C'est ça. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Et au fond de la cour, il y a comme un cabanon, enfin je ne sais plus comment ils l'ont appelé, avec des chalets, le cabanon. Avec des écoutes. Des témoignages. Des écoutes de témoignages. Ouais. Et voilà. Dont ceux collectés par la jeune Sarah Hoffman, voilà. À nos grands-mères, dans le cadre de son podcast qu'elle a réalisé. Ouais. Ça s'appelle À nos grands-mères. Et puisqu'on a Radio Dio, sachez Radio Dio que quand vous accueillez des jeunes en stage en troisième au collège, et ben vous donnez envie quelques années plus tard à ces mêmes jeunes de s'essayer à l'exercice du podcast. Donc sincèrement, merci Radio Dio pour le boulot. Ouais, et bravo Radio Dio. Peut-être dire un mot d'une action aussi importante avec le Grémos pour faire le lien entre simplement, ok, on travaille sur l'histoire de la guerre d'Algérie, mais croisé aussi aux questions liées à l'histoire industrielle, l'histoire de l'immigration. Et j'aimerais qu'on. Tu présentes C'est toi qui en as l'initiative et je dirais deux mots. C'est l'intervention, c'est Antoine Vernet qui travaille sur la mémoire d'ouvrières immigrées pendant la guerre d'Algérie et notamment sur Omar Arek qui a été un ouvrier des aciéries et qui a été aussi un militant important de ce qu'on appelait la Fédération de France du FLN. Alors, on va consacrer à cette question de la mémoire d'Omar Areg et des ouvriers algériens en général pendant la guerre d'Algérie dans le bassin industriel de Saint-Étienne. Donc, une émission conférence d'une heure à 1h30 qui sera en direct sur Radio Dio et qui correspondra à l'émission Grémos du mois de novembre. Donc, elle aura lieu le 16 novembre et sera diffusé le lendemain et le surlendemain. Voilà, donc ce sera en condition directe, Jean-Michel. L'émission aura lieu à 18h30 à la Michael Lake du Crédroc. Donc c'est ouvert à tous et toutes, bien sûr. C'est une émission publique, cette émission-là, mensuelle du Grémos, qui sera diffusée donc en léger différé dès le lendemain, jeudi 17 novembre, troisième jeudi du mois, à midi, 19h, et le lendemain, vendredi, à 8h. Voilà, Antoine Vernet, donc qui est un chercheur important du Grémos, qui est aujourd'hui un peu émigré, mais régionalement, mais qui va revenir spécialement pour cette émission. Je profite d'une petite parenthèse, Jean-Michel, puisque cette semaine-là sera aussi d'actualité pour le Grémos. Juste simplement, puisque tu es concerné, le Grémos assurera également une émission en public. Ce sera cette fois du côté de la Talaudière, en périphérie stéphanoise, le mardi 15 novembre, donc la veille, à 19h30, au Centre culturel Le Sou, rue Romain Rolland, à la Talaudière, entrée gratuite également. Et là, tu interviendras sur la question du photojournalisme et des mouvements sociaux au début de la guerre froide. C'est une autre question, mais je profitais de l'occasion pour rappeler ce rendez-vous. Mais c'est vrai, le 15 novembre. Bien, alors, sur la guerre d'Algérie, vous avez d'autres choses à dire peut-être? Oui, je voulais signaler quand même qu'il y a la compagnie Voici Voilà qui va faire sa première lecture publique d'un texte qui s'appelle « Nous l'appellerons Algérie ». Alors, ils ont recherché dans les discours de l'Assemblée nationale, et ils remontent à la conquête jusqu'à 1914, je crois. Et du coup, ils sont 8 lecteurs et lectrices, et c'est bénévole, hein. Ils ont vraiment fait ça sur leur temps libre et tout. Et il y a des diapos, des images en même temps que la lecture. Et ça va avoir lieu, je vais vous dire ça tout de suite, ça va avoir lieu à l'Amicale Chaperon. Et ce sera début décembre, si je me souviens bien. Je vais vous retrouver la date. Le 2 décembre, à Viba. Merci. Et donc sur des jeunes lycéens, collégiens? Non, pas du tout. C'est un groupe d'adultes. Alors, je ne sais pas. Moi, je suis en lien avec une dame qui a 80 ans. Je croyais qu'elle en avait 60, mais elle a 80 ans. Et du coup, non, c'est pas... C'est, l'idée, là, tout l'enjeu, ça va être d'essayer de ramener des jeunes à cette lecture. Et c'est la question de... Est-ce qu'on l'appelle ou est-ce qu'on l'appelle pas l'Algérie ? C'est une question importante, effectivement, dans le cadre de l'histoire et de la mémoire. Ouais. D'autant que notre président a eu des sorties un peu malheureuses sur l'existence du peuple algérien avant la conquête, tout ça. Bon, bref, donc j'ai très, très hâte d'assister à cette lecture. Alors, Léla. Si je peux me permettre... D'abord, revenir sur l'action du Grémos le 16 novembre, c'est important de se le dire, de le redire ici. Aborder la question de la guerre d'Algérie à travers une histoire ouvrière, l'histoire du mouvement ouvrier local, et en faisant émerger des figures de résistants algériens, c'est extrêmement important parce que beaucoup de Ligériens ne connaissent pas l'histoire de Omar Hareg, et même de sa sœur. Et j'espère qu'au mois de novembre, on pourra accueillir l'éminent historien algérien Daho Djerbal, qui a écrit cet extraordinaire ouvrage sur l'histoire de France, de la Fédération, de la Fédération française du FLN. Et il a rencontré des militants partout en France. Et ce grand historien algérien a croisé en permanence le travail de l'histoire et de la mémoire pour aborder cette question-là. Je voudrais juste te féliciter, si tu me permets, c'est mon côté Michel Drucker, mais je suis épatée par la mémoire que tu as. J'aurais été incapable de livrer autant de choses. Chers amis auditeurs, auditrices, je vous renvoie à notre site et voilà, Trace Migration, parce que 150 propositions, j'étais incapable d'en donner 10. J'ai plein de coups de cœur comme ça, mais soyons frustrés, allez découvrir ce qui sera proposé au grand public partout en Auvergne-Rhône-Alpes. Et pour rester sur la question de la guerre d'Algérie et pour aller très vite, la réalité, c'est que comme toute biennale, il y a une vie avant la biennale, pendant la biennale et après la biennale. Donc nous, on va proposer de continuer à travailler sur ces questions sensibles, et notamment celles liées à la façon dont on aborde en France le passé colonial. Habiba, tu citais les propos du président. À chaque fois qu'il se déplace en Afrique, que ce soit en Afrique du Nord ou en Afrique subsaharienne, il va, alors deux fois, il l'a fait au Cameroun fin 2021 et en Algérie il y a peu. C'est la deuxième fois qu'il propose la création d'une commission de spécialistes, d'historiens. Alors nous, juste dire, pour pas revenir sur... on va proposer plein de choses. Mais ce qui est important, c'est qu'on accompagne, on est partie prenante du débat public pour aborder ces questions, puisque c'est le mérite d'une démocratie que de se prendre dans la figure les fantômes de l'histoire. Mais ce qui est en jeu, c'est de sortir du tunnel et d'aborder sereinement ces fractures de l'histoire et des mémoires, et liées à la question de la colonisation comme de la décolonisation. Je pourrais même ajouter à la question de l'histoire de l'esclavage. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est comment on fait histoire, comment on fait mémoire et comment on aborde le passé qui passe mal, voire même comment on le dépasse et qu'on le prend enfin en compte. Et j'ai envie de dire, et je le dis avec grand plaisir parce que j'ai en face de moi un historien, Jean-Michel, tu seras d'accord avec moi, les historiens n'ont pas cessé de travailler sur cette question. Ça fait des décennies, on peut trouver, les bibliothèques sont remplies d'ouvrages, de travaux, etc. Donc la question n'est pas de créer une commission de spécialistes, une énième commission. Le travail de l'historien, des historiens, les travaux scientifiques existent. Et ils sont de qualité. Et il y a toute une jeune génération d'historiens des deux rives, Et je dirais pas que de l'Algérie et de la France, mais de la France et partout en Afrique, il y a une génération de citoyens qui produit. Ensuite, de chercheurs. Ensuite, il y a les initiatives de la société civile. Nous sommes acteurs de la société civile et on contribue à ce débat. Et il est vrai que c'est passionnant qu'il y ait des podcasts, des romans, des biographies, qui aient des supports artistiques, des expos, de la musique qui abordent cette question. La société civile, elle bouillonne d'initiatives, et je terminerai là-dessus. L'enjeu aujourd'hui, et a fortiori quand ces initiatives citoyennes, elles sont portées par des héritiers des immigrations, de l'immigration coloniale, que ce soit de l'Afrique du Nord ou de l'Afrique subsaharienne, peu importe, ces initiatives, elles ne doivent pas être suspectées de repentance ou de revanche ou je ne sais trop quoi. Donc ce qui est important aujourd'hui, c'est de sortir de cette stratégie politique de disqualification des militants, des acteurs qui contribuent à façonner le devenir d'une société qui décide véritablement de dépassionner la question du passé qui passe mal, mais de la prendre à bras le corps et de remplir nos putains de bibliothèques, de musées, de tout ce que vous voulez, équipements publics, de choses qui nous nourrissent, enfin. Ouais, bravo. Eh bien, merci. On va laisser cette phrase de conclusion. Alors, avec un gros mot, pardon. Et merci à vous deux, Léla et Abiba. Ouais, juste merci avant de Lionel. Finir, ah. On se fait des petits clins d'œil depuis tout à l'heure avec Lionel. On va écouter White Riot, un morceau des Clash, parce qu'on fait une projection avec Radio Dio. On est très content de la faire, ça fait plusieurs fois que c'est reporté, donc je tiens vraiment à la signaler, celle-là. C'est Rock Against Police et White Riot, donc c'est une soirée sur l'engagement des immigrés contre les crimes policiers et contre le fascisme et le racisme. Et c'est le 7 novembre au Méliès Saint-François. Et j'en profite encore une fois, je m'excuse, hein, mais j'ai besoin de remercier tous les gens grâce à qui cette biennale existe. Donc je remercie Sylvain Pichon et toute l'équipe du Méliès qui accueille les projections. On fait aussi une projection de Midnight Travelers avec SOS Méditerranée et la CIMAD. Et pareil, c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis longtemps, on devait le faire l'année dernière, on n'a pas réussi. Et ça, c'est le jeudi 24 novembre. Et encore une petite dernière chose, on espère que le maire de Palerme pourra venir à Villeurbanne pour une table ronde le 5 décembre pour parler des politiques publiques inclusives. Et ça se passe au Palais du Travail à Villeurbanne. Et on remercie la DRAC pour le soutien, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes pour le soutien constant, infaillible qu'elle nous apporte depuis des années et des années, et je le dis avec autant de conviction et de sincérité qu'on a perdu une subvention importante du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, mais ça ne nous a pas empêché de livrer un magnifique programme. Tout et je fait. Le redis, puisqu'on est à Saint-Étienne, merci à la ville de la Ricamarie de nous aider comme vous le faites, en mettant aussi à disposition vos équipements culturels. Comprenne qui pourra. Bravo à nous. Merci. White riot, I want a riot. Why?